qu'on a fait, nous est fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Vous direz quand y'en sont mis la misère, est pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles, qui est en la rue, qui a boit la bière. Boug, en nous qu'on a fait, nous est fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Vous direz quand y'en sont mis la misère, est pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles, qui est en la rue, qui a boit la bière. Qu'a parlé parole, il n'est rien qui pour faire mon coin. Il rive en côté, beaucoup bezier. Ok, ouais, système t'a là. Qu'on en faut soyer, qu'a mette tout nek en terre. Et personne beke jamais rive, mette à terre. On s'en se bête tout va seulement qui ka boit de l'eau claire. Nous tout là l'éclairer, mais nous pièce là pas les lignes. On chaille bagaille, pensez pas maya dans la vie, moi. Tout ça mon café, il bat pas si moins. Parce que yo qui taille moi, et c'est yo qui soutient moi. Kaba moi force la même, c'est moi qui pilote comme moi. On pas qu'à soit tes chats, parce que tes chats qu'à manger ben. C'est pas moi yo qui fait boire pièce bouillon on sait. On doit qu'on fait moi et fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Pour tirer quand y'en sont mis la misère et pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles qui est en la rue, qu'à boire la bière. Bouga, on doit qu'on fait moi et fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Pour tirer quand y'en sont mis la misère et pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles qui est en la rue, qu'à boire la bière. Bouga, pièce peut plus faire moins piger. Pièce si je peux juger, personne ne peut pas obliger. L'esprit moins prié, passe en paix gagé, en paix gagé. Servez toutes sortes, considérez c'était carottes. Yuka serré, collé, qu'on gravette, veille la pote. Même mes lyotes, fais pas faire piège, pièce, messe. Ma cac devant moi, il obligé d'y être. Yes. Pièce stress, tranquille qu'on dimanche après la messe. Pas penser en les moins si ou pas les trapper en blesse. Moins qu'à servir, ma moins qu'on m'a causé, qu'à servir physique. Mon café business moins, pas caché, j'ai fait mon plaisir. Tout tient pour, c'est en l'air la société. Qu'on en bébé, à sous en point tété. A courir tout, tout je suis susceptible d'y veiller. Fous tes paroles en tête, écris tes doigts de pichette. Écris tes doigts de pichette, écris tes doigts de pichette. Sous en pied de chaînette. En noir qu'on en fait, nous est fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Pour tirer quand y'en sont mis la misère et pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles qui est en la rue, qu'a boit la bière. Boug, en noir qu'on en fait, nous est fier. Quand tout n'est qu'un café, ça y est pour faire. Pour tirer quand y'en sont mis la misère et pour ouais. Quand il fait d'autres bagailles qui est en la rue, qu'a boit la bière. Boug, en noir qu'on en fait, nous